Homme, tu pleurais ce jour-là à ta gaga. Comme tes larmes baignaient la Caraïbe. Les plus belles vacances s'en sont allées dans ce limbe qui préserve toute de beauté. Cette nuit, j'y étais jusqu'à mon réveil, sans ta joue de soleil et de sable. Et dans une transe prophétique, tu as dit que ton abandon serait nécessaire pour que j'atteigne la gloire. Que méritaient mes vers. Je ne l'ai jamais aimé. Je souris ingénu, seulement désiré être aimé pour l'éternité. Aujourd'hui enfin j'entends cette douleur. Tu es un étranger dans sa mémoire. Comme Job qui perdit aussi son amour, celui que tu as cultivé en vain. Job qui perdit aussi son amour.